Out of time. Out of time. Joyeux anniversaire. Merci. journée de galère dans ton coin. Viens plutôt secouer tes tympans avec Stéphane. Eps, écoute. Stéphane. J'adore, c'est grand. Ça le fait. Le nouveau son. Sur Galaxy avec en 1993 l'une des versions les plus fouettos de Snap avec Exterminate. Il est 10h11. Salut, souvenez de nous rejoindre, tout va bien, tout baigne. Willy s'en est allé, mais rassurez-vous, on le retrouve très prochainement sur Galaxy. Ça va de soi. C'était du reste la voix mystère de hier matin. Vous l'avez reconnu quand même, forcément. Eh oui, aujourd'hui, de la grisaille, des averses, des rafales de vent, des températures voisines des 11 degrés. Nous fêtons la Sainte-Ambroise. Bon anniversaire également au rugbyman Fabien Pelous ou encore à Tom Waits du côté des acteurs, sans oublier bien sûr l'écrivain, écrivaine comme vous préférez, Corinne Meilleur. À bon entendeur, salut, le meilleur de la scène électronique, les années 80, 90 et 2000 sont à découvrir à l'occasion des 25 ans anniversaire de Galaxy. Galaxy. Good for the mind. Good for the mind. We'll be right back.

Eddie Amador sur Galaxy House Music, un bon vieux standard de l'époque, normal. Nous fêtons les 25 ans de Galaxy. Happy birthday to you, un quart de siècle et toujours aussi rythmé, toujours aussi passionné. Fréquence 9530, il est 10h26, bon courage si vous bossez. Tiens, des nouvelles des Beckham qui déménagent, paraît-il. À 31 ans, David Beckham commence donc à penser à sa retraite sportive. Eh oui, déjà. Mais voilà, le beau gosse ne compte pas raccrocher si vite des crampons. Et David envisage même de quitter le haut niveau pour rejoindre l'équipe de foot des LA Galaxy. Ah oui, Galaxy, quel beau nom, pas vrai, mais avec un Y, hein, les LA Galaxy. Une bonne nouvelle pour Victoria qui aurait, paraît-il, toujours rêvé de faire carrière à Hollywood. La brunette a même été aperçue donc à Los Angeles, visitant des villas disponibles dans sa petite famille. Pour l'heure, certes, aucune date de déménagement n'a encore été fixée, mais ça sent le déménagement tout ça. Et peut-être la retraite anticipée pour la vie Beckham. Tout de suite, les années 2000 sur Galaxy avec le nouveau Martin Solveig et Something Better to Enjoy, c'est Bug. Galaxy, save the rhythm. Save the rhythm. Different man now, ooh, so strong for too long. I've been searching for a girl like you, change it all since I found you. Really made it better. I found something better. I dreamt of something better. I found something better. There's something better than me. I found something better. I dreamt of something better. I found something better. Something better. Dans une poignée de secondes, les années 90 sur Galaxy avec l'un des monstres sacrés de l'époque. On aurait bien rigolé. L'ami Pinocchio, ce sera tout à. Vous vous souvenez de ça? Il est 10h31, direction l'information de proximité avec le village de Noël qui vous attend du 8 au 24 décembre inclus sur la plage Jean Delvinquer de Waterloo. Un programme d'animation exceptionnel cette année qui vous sera concocté toute la semaine et chaque week-end avec de nouveaux manèges, des promenades à Dodane. Il y aura des mimes, du maquillage, de la jonglerie, des caricaturistes, des sculptures sur ballon, du cirque des échassiers, des spectacles de feu avec bien sûr la descente du Père Noël pour le 24, sans oublier les très nombreuses idées cadeaux proposées par les chalets artisanaux du village. À profitez-en, c'est l'ambiance de fête de fin d'année sur la plage Jean Delvinquer aujourd'hui, si vous le souhaitez. À noter également que François Hadji Lazzaro sera en concert. C'est programmé pour demain à 20h30 à la boîte à musique. Un musicien hors pair depuis l'âge de 14 ans, vous le savez, créateur des Garçons Bouchers du label Boucherie Production. Il navigue entre rock et folk au gré du vent. Son dernier album Aigre Doux est à découvrir d'urgence avec bon nombre de titres qui ont jalonné sa déjà longue carrière, des titres que vous connaissez. Il y a de nombreux hits. Réservation sans plus attendre, office de tourisme 0320 75 85 86. La bonne nouvelle, c'est que Galaxy vous proposera des invitations libres d'accès pour ce concert. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis la deuxième rencontre du tournoi de Bourges des 300, organisée par l'Entraide Sportive et les sociétés de Bourges, la Saint-Joseph, Saint-Livin et Saint-Paul, est programmée le samedi 16 décembre prochain. Ce sera à 16h dans la bourloire du Bonfraisier de Waterloo. Elle y opposera donc les équipes de la Saint-Paul, Gilbert Thieffry, à la Saint-Joseph, celle de Claude Delmarquette. À bon entendeur, salut. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Tout à tout data. Tout à tout data. remains on top. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain. Against my window, 'cause he's not here with me. Hey, window pane. Sur Galaxy avec le 7 Days and 1 Week, c'était hier. C'était l'un des gros cartons de l'époque technoïde. Et c'est une production de la région Nord-Pas-de-Calais qui avait fait un carton partout en Europe et notamment un véritable raz-de-marée en Angleterre. De l'autre côté de la Manche, très exactement. 10h45, les 25 ans anniversaire de Galaxy, c'est loin d'être terminé. Ça ne fait presque que commencer dans une poignée de secondes. Direction le Dance Computer Mix, une nouvelle fois un mix inédit. Comme vous pouviez les écouter à l'époque sur Galaxy, ça va durer pendant un quart d'heure non-stop. Bézu sur Galaxy. T'imagines, c'est le vrai Bézu. J'ai emmené le chanteur Hervé Villard au Boccaccio. Hervé Villard au Boccaccio. Tout le monde s'éclate. Oh, la colonne. Les meilleurs moments de l'émission ce samedi dès 21h. 4. Uno, dos, tres, cuatro. comme quoi on savait s'amuser aussi à l'époque, hein, dans les années 90. Encore un mix que vous pouviez écouter à l'époque si vous étiez fidèle au 95-30. Dans une poignée de secondes, retour aux années 2000 avec par exemple Benassi Bros featuring Sunday Feel Alive. Il est 11h du matin. Au programme de votre soirée intergalactique, du côté des rendez-vous incontournables et des invités, des guests tout court, il y aura HS, Fifi, il y aura Johan. Ambiance Anne de Villa, ce sera à partir de 21h sur 95-30. Allez, c'est l'heure du top horaire, comme à l'époque. 11h du mat. Salut de nous avoir rejoints. Radio Galaxy, Galaxy. The Empire of House Music. Joyeux anniversaire. Galaxy. We'll be right back. Night on Galaxy, le son des années 90, le son des années 80, mais aussi le son des années 2000 sur Galaxy. À l'occasion des 25 ans anniversaire de votre FM favorite, Galaxy fréquence 95-30 avec tout un tas de partenaires de cadeaux, avec notamment bien sûr ces sacro-saints kit cadeaux 25 ans Galaxy que je vous proposerai tiens très prochainement. Restez calés, soyez bien attentifs avec par exemple à l'intérieur des cadeaux offerts par le RC Lens, Record Mania, le label Mackenzie. Il y a des compiles Manu Kenton également. Dans certains kits, il y a également des accessoires jeux vidéo qu'on salue au passage, hein, offerts par Madrix. Il y a des bouteilles de champ, des compilages de zoo. Il y a également nos amis de Norway qui vous proposent des compilations. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Avis aux amateurs, les enfants. Inico Presto pour poursuivre cette maxi méga rétro intergalactique. Firestarter, groupe mythique de l'époque. Firestarter, c'est le groupe. Devinez un peu, comment ça vous ne savez pas? Franchement, c'est pas sérieux, hein. C'est pas sérieux du tout. Firestarter sur Galaxy, c'est The Prodigy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. ans de bonne musique avec le Sampler 10 d'Aquaflush Sampler. Cicada the Things You Said. Allez, vous jouez avec nous. Il y a une nouvelle fois un kit anniversaire 25 ans Galaxy à décrocher avec compilation, avec DVD, avec également, bien sûr, vous le savez, de nombreux vinyles et autres cadeaux. Galaxy. 0320 83 57 57 00 333 de Belgique, profitez-en, les kits cadeaux anniversaire 25 ans Galaxy, c'est uniquement cette semaine, c'est pour Lou la 15e interceptée, bonne chance. La Sanaline Kane, Beach Ball, standard de l'époque. Happy days on Galaxy. Go to the beach. To the beach. let's go to the beach. Dans une poignée de dans le meilleur de la ça. Bon allez, on va terminer l'ami Moby avec l'un de ses standards à découvrir donc dans une poignée de secondes. Pour la cinquième année consécutive, la Croix-Rouge française réitère son opération un enfant, un jouet. On n'oublie pas déposer jusqu'au 31 décembre plus tard vos jouets et cadeaux dans les caddies mis à disposition à l'entrée des magasins partenaires. Liste de ces magasins participants disponible par téléphone 03 20 25 34 03. À noter également d'autres choses comme par exemple la seconde rencontre du tournoi de bande des 3-5 qui est programmée prochainement. Ce sera le 16 décembre 16h et ce sera dans la Bourloire du Bon. Autre chose encore, en route pour l'Orient avec la toute dernière création de la compagnie du Tirlen au cœur de la musique arabe et de ses multiples facettes. Rendez-vous le mardi 19 décembre 20h, ce sera au Prato de Lille avec sur scène notamment les artistes suivants. Il y aura Areski Dries, Boussou, il y aura Boudaouche, Lenné et Van Ardois et plein d'autres encore. Renseignements et réservations 03 20 52 71 24. Encore plus d'infos sur www.galaxy.com. Le son des années 2000, c'est aussi dans le cadre des 25 ans anniversaire de Galaxy. Le son du dernier moment avec Karl Van Mathilde à vous. Happy birthday to you, ne manquez pas les trains. Rendez-vous, les invités, les émissions spéciales, les mix inédits tout au long de cette semaine jusqu'à samedi très tard dans la nuit. Des rendez-vous incontournables pour tout connaître. GalaxyFM.com, MySpace, GalaxyFM.com. L'adresse, le mail de Galaxy, c'est info@galaxyfm.com. Allez, c'est reparti pour un quart d'heure de mix dance non-stop comme à l'époque sur Galaxy. The summer is magic, it's mad and slow. Oh, oh, oh. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Summer's Magic. Ah oui, malheureusement c'est l'automne. Fort heureusement, nous fêtons les 25 ans anniversaire de Galaxy, ce qui nous permet de profiter des quelques derniers rayons de soleil de ces 25 années passées déjà. Vous vous rendez compte ? Joyeux anniversaire, Galaxy. Galaxy, vous donne l'heure. Happy birthday, il est midi. Galaxy. Don't stop. Music. Dans un instant, les derniers. Il avait On Speak Night au Colombo. Attention, s'il vous plaît, tendez bien l'oreille. Bienvenue à des milliers de lumières mettant des galaxies. Il sera cet animateur radio. Salut, cool, nope, thank you, bastard. Aujourd'hui, il y a Stéphane. Oui, celui-là. Ah, c'est... J'adore. Oh, c'est génial. Bienvenue, chers amis. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Merci de n'avoir été. Thank you.

son 98 dans le cadre des 25 ans de Galaxy Music is the answer. Dani Tenaglia, un bel extrait de son premier album. Le cap des midi est dépassé de 12 minutes. Téléthon multisite en 2005, plus de 100 000 personnes avaient choisi de donner en ligne pour une récolte finale quand même de 6 millions d'euros via le site téléthon.fr. Et bien cette année, l'association française contre les myopathies compte sur les Really To Do des mini-sites de collecte personnalisés. Le but, bien sûr, inciter parents, amis ou collègues à faire un don pour atteindre l'objectif de son choix. Bref, l'AFM espère plus de 1500 Relay To Do pour augmenter la motivation des bénévoles. Un défi est donc lancé pour la meilleure collecte en ligne. Le Téléthon est donc cette année, une fois de plus, particulièrement connecté Internet. Du côté des bons vieux standards de l'époque, encore et toujours, une pointure de la scène électronique en vous souhaitant d'ores et déjà un bon appétit. Place à l'Esperanza Svenvat.

happy days on Galaxy. I keep it shining everywhere I go. You're my Avec Save Control, ça c'était les toutes premières années de la galaxie. Vous n'étiez même peut-être pas à l'écoute. Si vous avez suivi par contre les débuts de l'FM en général, vous connaissez forcément. Midi est déjà 31 minutes, direction l'information de proximité. C'est l'agenda galaxie que vous connaissez tous bien évidemment, avec par exemple François Gilazzaro qui sera en concert. Ce sera demain soir 20h30 à la boîte à musique. Réservation 03 20 75 85 86. Autre chose encore, pour la cinquième année consécutive, la Croix-Rouge française qui sévit, qui organise son opération Un enfant, un jouet, un sourire, et le visage de chaque enfant s'éclaircit, forcément. Et pour que ce sourire puisse être, eh bien, il vous suffit de déposer vos jouets et cadeaux dans les caddies mis à disposition à l'entrée des magasins partenaires. La liste est disponible au numéro suivant, 03 20 25 34 03. Toutes ces infos et bien d'autres encore, disponibles sur galaxyfm.com à la rubrique Info Régionale Galaxy. Pour l'heure, il y a Retrobeat avec Going Down en Galaxy. You try, you'll never get inside. Just keep on going down, down, down. Don't matter what you say, it just can't stay this way. Know that you are going down, down, down. Don't care what you try, you'll never get inside. You'll just keep on going down, down, down. Don't matter what you say, it just can't stay this way. You know that you're going down, down, down. Don't care what you try, you'll never get inside. Just keep on going down, down, down. Don't matter what you say, it just can't stay this way. You know that you are going down, down, down. Don't care what you try, you'll never get inside. You'll just keep on going down, down, down. Don't matter what you say, it just can't stay this way. You know that you're going down, down, down. Pussy.

Electrica Salsa Off, début des années 80, c'était en 1983. Et ça, à l'époque, croyez-moi si vous voulez, mais c'était super hyper branché. On dansait ça partout, même à la bûche, vous vous rendez compte? Ah, le temps passe, 25 ans déjà, un quart de siècle. Et pourtant, pas une ride côté musique, c'est vrai, hein? Comment ça, non? Bon, bah, de qui vous moquez? Je tiens à signaler et à saluer surtout les nombreux auditeurs et auditrices, forcément, qui, depuis une bonne semaine maintenant, nous réitèrent nos voeux. On vous remercie, car si on est là, c'est aussi grâce à vous. Happy birthday. Allez, vous étiez en 1997, vous mouviez, vous écoutiez Galaxy et vous pouviez écouter ceci. Encore un nouveau quart d'heure de mix inédit, fréquence de 530. Prochain rendez-vous animation, ce sera dès tout à l'heure 13h avec encore plus de gold, de références, d'anecdotes et de bons sons intergalactiques avec Tony. Avec les enfants, le Move Mix 97, grand moment de l'époque avec des sons intergalactiques de l'époque, justement. Vous rendez compte, ça fait quasiment 10 ans. La saga est loin d'être terminée, elle continue à se poursuivre avec encore et toujours plus de bonne musique garantie. Tony Déboule pour le 13h-17h sur Galaxy. Je vous rappelle ce soir du côté des guests et des invités au programme du mix de 21h, un spécial Hâte de Villa avec entre autres Johan, bien sûr, Fifi, mais aussi HS.